D'après le journal d'internet sud-coréen Économie d'Asie, le savant sud-coréen Kim Yong-ok a insisté le 12 courant sur l'injustice des menées des autorités pour la disposition de SAD. Il a critiqué que l'installation de SAD par le gouvernement de Bakounine n'est pas une politique, mais une sottise qui mène à la ruine.